êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Je vais te dire bouchonner mes écouteurs, François. Hey, comme un petit cochon. C'est bouchonner tes écouteurs. C'est bouchonner, c'est un nouveau verbe que j'essaie d'amener dans le vocabulaire québécois. Là. Bon. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 21 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Ah. Non? Un matin, hey, j'aurais-tu resté couché comme un petit cochon? À toi, le matin, en ce moment, moi, je pense. Ah, sincèrement, là, j'ai eu beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup de misère ce matin à me lever. Là. Ah, non, moi aussi. Mais de plus en plus, je me lève tellement tard comparé à avant. L'année passée, je me levais genre à 5h15. C'est « Ah oui, je vais préparer des chroniques! » Là, cette année, je prépare mes chroniques le dimanche pour la semaine au complet. Puis je dors jusqu'à 5h45. Oh, t'as gagné une demi-heure? C'est ridicule, ça. Si on multiplie ça par le nombre de jours qu'on est en onde, ça veut dire t'as gagné 2 heures de sommeil par semaine. Ah, ben, t'as bien raison. Je devrais me sentir plus en forme que ça, mais ouais, je trouve que ça va très bien comme ça. C'est ça l'avantage de ne pas faire une chronique qui a rapport avec les nouvelles la journée. T'sais. Ouais. J'aime bien, bien ça de même. Donc, aujourd'hui, dans l'émission Assemblage Rocky, qu'est-ce qu'on va avoir? L'émission quand même chargée. Hein? Ah, c'est chargé comme une batterie 2A, ça. Eh mon Dieu! À ce point-là? À ce point-là, rechargeable en plus. Rechargeable. À 7h30, on aura Anne-Julie Durocher, sa collègue à l'Index, elle va nous présenter ses choix de la semaine. Yeah, formidable. Mmh. Écoute, 8h moins quart, on va recevoir Éric Paul Parent, qu'on va parler en fait de. L'enfant, des... donc, c'est ça? Hein? Comment? L'enfant, vu que c'est pas le parent. Non, non. On va parler en fait peut-être de ses enfants, des zombies, ce matin. Donc, vers les 8h moins quart. On parle de zombies juste en général ou pour un événement de zombies? Ben, en général, parce que je pense qu'il y a plusieurs événements qui vont s'en venir. Donc, puis en fait, je sais pas, là, je pense qu'il y a un film qui est en train de se tourner à Trois-Rivières. Je sais pas si c'est en lien avec ça. Bref, on va savoir vers les 8h moins quart. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre, Matt? À 8h, on a Jasmine Raymond-Drainville et sa chronique sur la GEQTR. Il va nous parler évidemment des activités et des actualités autour de l'Association Générale des étudiants de l'UQTR. Formidable. Et vers les 8h30, on va recevoir Maxime Bilodeau. Oui, tu veux savoir de quoi il parle, ce gage, hein? J'aimerais ça. Il va nous entretenir d'un sujet tout sauf endormant. Il va être question de sommeil. De sommeil. Et de son proche pendant la chronobiologie. De façon plus spécifique, on de va quoi? Répondre... De son proche? De son proche. OK. De son proche pendant. OK. La chronobiologie. Son proche pendant. Okay. C'est un pendant qui est proche. Okay. C'est comme Paul Parent. Proche avec les enfants. Il est proche de lui-même. De façon plus spécifique, on va répondre à certaines interrogations s'y rapportant couramment. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on paraît au lit la fin de semaine venue ou toi du lundi au jeudi? Non. J'essaye de paraisser un peu, mais ça fonctionne plus ou moins bien. T'as pas vraiment le temps. Pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps les mêmes actions aux mêmes heures à peu près à tous les jours de notre vie? Et à quoi servent les rêves? Tout ça et bien plus, c'est tout à l'heure à 8h30. Et on passe d'une demi-heure, lui? Je pense pas. Écoute, au pire, ça va se poursuivre la semaine prochaine. Hein? Au pire, j'espère. Parce que sinon, moi, en tout cas, tu sais, des fois, c'est comme un long film, hein? T'endors dessus, c'est pas parce que t'aimes pas ça. C'est là. Ouais, ça dépend. Ça peut aussi être ça. Hey, puis écoute, on va parsemer ça aussi de tirage ce matin. Arrête-moi donc. Oui, je te dis, Matt. Puis écoute, on pourrait peut-être en faire un pour les leftos, là. Okay. Ce qui veut dire bientôt. Donc, restez avec nous. OK. Donc, on dit pas c'est quoi. Non. C'est des beaux prix, par exemple. OK. Puis écoute, je pense qu'on pourrait faire peut-être un package deal. Un emballage cadeau pour Noël. Ouais, parce que, ouais, c'est ça, on est le Père Noël à matin. Là. Pour peut-être les amateurs de lecture dans votre famille. Peut-être que... Les mélomanes aussi. Les mélomanes sont là-dedans, peut-être aussi. Ouais, deux fois plutôt qu'une. Une histoire même, peut-être. Là, on laisse des indices, là. Il faut arrêter, là. Ça va être bon. Ça sera pas une surprise. Pour les enfants, les pas le parent. Pour les fanfans. Les fanfans. On commence avec Ringo Death Star. Voici une pièce de leur album Moves, une nouvelle entrée du palmarès en 20e place. C'est RIP. 89 FM. Vous avez de RIP ça ou vous le passez à la radio? ouais. We'll be right back. Mais la pièce L'atterrissage sur leur album Le Viewmaster, c'est le deuxième extrait de cet album-là. Le premier étant évidemment la pièce titre Le Viewmaster, qu'on adorait aussi, mais celle-là est vraiment très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, bonne. Très. Tu l'as-tu aimé, coudon? Oui. Un petit peu. Moyen. Non, je l'ai déjà adoré. Alors, on s'en a entendu Ringo Death Star et leur extrait Rip sur l'album Mauve. Ça, c'est une nouvelle entrée. Les deux sont en 20e place et t'as vu comment les deux s'enchaînent tellement bien. Et Titi, ça va être la bataille pour savoir qui va remporter la meilleure position. Oui, ben, c'est ça. Qui va monter et qui va rester. C'est ça. C'est qui? Tout à l'heure, on fera la chronique. Tu manges mon cœur avec nos coups de cœur préférés de la semaine. Un coup de cœur, c'est pas mal des affaires préférées. Ça va ensemble. Ça peut pas comme. Idéalement. Les coups de cœur comme. C'est les moins épais coups de cœur, marche pas ça? Non. Mais avant ça, voici une nouvelle pièce des frères Goyette, les Goyette Brothers! Oh! Ça va être bon! Frères Goyette, tabac d'orchestre à Assemblage Rock. Il est vrai que mon chant est mûr, mais ma face est longueur. Les bombes y font pousser de la véritable bombe. Des traces de tailleur. Des gros galoches qui rôdent, fréquentent mes tournesols. L'armoire à glace qui porte très bien la camisole. Et leurs pouces verts sont menteurs. Dans la nuit, évite les pièges à ours, les fusils, coupe leurs fous pieds du Frères Goyette, ou comme on les appelle de façon beaucoup plus noble, nous dit-on, hein, en anglais, les Goyette Brothers. Non, trouve pas ça noble. Non, non, ça ressemble à Jonas Brothers. Oui, et puis, c'est pas tant une qualité, je te dirais. Les Hanson Brothers. C'est vieux, ça. Boy, girl. Tu sais, dans le temps, on pensait tout, hey, dormait cute, la fille, non, c'est un gars. Même. Non, mais c'est ça. Les Jonas Brothers, ça? Non, les Hanson. Ah, les Hanson. Ralnier la chose. Et en passant à la pièce qu'on a entendue des frères Goyette, c'était spécifiquement créé pour le magazine Urbania. C'est un magazine, si vous avez jamais vu ça, c'est un magazine genre de photos, pleine page, avec un gros papier vraiment épais. C'est comme un gros magazine de Deluxe Edition. Ça, c'est disponible ici ou? Au Québec, c'est. Ouais, ben, c'est, à Trois-Rivières? Ouais, il y en a à Trois-Rivières. Je sais pas exactement où, mais il y en a. Okay. C'est pour leur spécial à la ferme qu'ils ont fait cette chanson-là. Tabac d'orchestre. Maintenant, on parle de nos coups de cœur de la semaine. Voici la chronique. Suivant mon cœur! Mange mon cœur, c'est la colle des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Rock. Évidemment, François-Olivier et Mathieu. Comment? Oui. Tu étais en train de manger un cœur, ça là? Non, non, non, je faisais le bruit de la chanson. Ah, okay. Qu'est-ce qu'on mange comme cœur? Un cœur d'artichaut? Un cœur saignant. Un cœur saignant, OK. Un cœur de pomme? Un cœur de pomme. Un cœur de pirate? Mais on se n'est pas la gueule. Donc, je vais commencer, étant donné que ça me tente cette semaine. D'habitude, je te laisse commencer. Vas-y. Je prends l'opportunité ici. Alors, on va commencer avec quelque chose de vraiment, selon moi, très intéressant. Tu me diras ce que tu en penses. C'est ce qu'on appelle The Infinite Jukebox. Il y a eu une fin de semaine qui s'appelle Music Hack Day. Une journée, pas une fin de semaine, j'imagine. Et ça arrive une fois de temps en temps. Cette fois-ci, c'était à Boston, au MIT. Et c'était un événement, selon un gars qui s'appelle Paul Lemire, extrêmement intéressant. Donc, c'était parfait pour hacker. Il y avait un super bon réseau, etc. Et pendant la fin de semaine, son idée de hack, parce que les gens devaient créer un hack. OK. Et lui, il a pris l'idée de ce qui s'appelait le Iceland Hack, que lui-même avait fait avec Infinite Gangnam Style. Donc, c'était Gangnam Style, mais qui retournait à différents moments dans la pièce. Et ça faisait que Gangnam Style pouvait durer à l'infini. OK. Donc, il a repris cette idée-là et l'a fait fonctionner avec n'importe quelle chanson. Littéralement, n'importe quelle chanson. Tu peux uploader, téléverser toi-même ta propre chanson. Ta chanson et écouter ce que ça donne. Exactement. Et on va en écouter à la fin. Mais pour l'instant, parlons un petit peu quand même de comment ça fonctionne. On peut, comme je disais, créer une boucle sans fin de n'importe quelle chanson. Ça envoie ta pièce à The Echo Nest, où elle est décomposée en beats individuels. Chaque beat est ensuite analysé et couplé ou matché avec un autre beat similaire dans la même chanson. L'information, après ça, est utilisée pour créer un genre de graphique des chemins possibles à travers les différents beats ou rythmes. Et quand la chanson est jouée, aussitôt qu'on arrive au prochain beat, qui a un beat similaire à un autre beat dans la chanson, ça va transférer à ce bout-là et, en théorie, s'enchaîner comme ça. C'est ça, ça s'enchaîne sans que tu te rendes compte de la transition. En théorie. En pratique. Ben, pas à chaque chanson que j'ai essayé quand je l'ai écouté en fin de semaine. Mais bon, il a aussi créé un genre de graphique visuel à l'écran, un chord diagram, donc un diagramme des accords qui montre vraiment le beat, la circonférence autour du cercle, comme des cordes rattachées entre. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça à la radio. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est d'aller voir le site labs.econest.com et le lien sur assemblagerequis.com. On peut choisir parmi les chansons qui ont été déjà téléversées ou encore téléverser votre propre MP3. Par exemple, dans les chansons, il y aurait Call Me Maybe. Ah, de je sais pas qui. Kylie Rae Jepsen, exactement. Gangnam Style, comme on avait déjà dit. Sinon, d'autres artistes, il y a Stevie Wonder, Gorillaz, Radiohead, Journey, Adele, Michael Jackson, Daft Punk. Il y en a un paquet. Daft Punk, est-ce que tu veux qu'on essaie Daft Punk? Daft Punk est déjà assez électronique. Non, j'avoue. Écoute, on en écoutera tantôt. On écoutera à la fin. Tantôt, à la fin, parce que... Mais tantôt, sinon, c'est pas grave, c'est pas loupé. Attends, il y a Batman. Batman? C'est quoi? Il y a Batman. Batman. Ça m'intrigue un peu. Là, il calcule, évidemment, il faut qu'il fasse le calcul de son affaire. Et une fois que c'est prêt, il y a un bouton play qui apparaît dans le coin. On va juste... Let's go! Atomic batteries to power. Turbines to speed. Il y a peut-être le fait que je connais pas vraiment la chanson. C'est moi, bon, c'est pas terrible, mais... OK. Là, il vient de transitionner vers un autre chemin. Il y a tout un cordon qui s'attache au rectangle qui tourne autour de ton rond. Et là, il remarque les beats tout en jouant. Ah, et là, il vient de changer. Il s'est rendu vraiment ailleurs. Là, il a rechangé. Là, il répète le même bout que tantôt. C'est le même bout deux fois. Et donc, tu pourrais le faire jouer toute la journée. Évidemment, ce bout-là là, devient gossant parce qu'il joue plusieurs fois. Bon, ouais, c'est ça. Mais tu vois, il vient de la chanson autre. Aussi de Batman est assez... redondante. Ouais. Peut-être. OK, est-ce qu'on essaie une autre? Attends un peu. Quelque chose que je reconnaîtrais là-dedans. Seven Nation Army. Il y a des remixes là-dedans. Et les remixes, quand ils sont vraiment très, très, très rapides, les remixes deviennent... des fois, tu remarques un genre de petit saut. Une fois de temps en temps. Okay. Mais ça fonctionne relativement bien. Tiens, on va essayer un classique. OK, charge-moi ça. Et tu vois comment le calcul est vraiment rapide. Calculer et là, je fais play. Oh yeah! Oh yeah! Cool FM! You know the rules and so do I. Je vais vous dire quand il va sauter. Ça devrait être bientôt. Là, il calcule le beat. Pareil, ouais. Ça, en tout cas, ça m'appelle. Oh! Là, il a sauté complètement de mon bord. Dans la vraie chanson, ce serait pas dans cet ordre-là. Que... J'aime ça a changé aussi? Je crois que oui. Je regarde depuis l'écran, mais je trouve ça vraiment le fun comme principe. Surtout que tu peux téléverser ta propre chanson. Ouais, ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Est-ce que ça veut dire... Je sais qu'on prend trop de temps là-dessus. Je sais pas si ça va fonctionner parce que je sais que j'ai lu un commentaire qui disait que ça avait pas fonctionné une autre fois. Mais faut que j'essaye quelque chose là en direct avec vous. Je n'ai pas le choix. OK, attention. On va aller avec... avec ça, tiens. OK. Upload. Est-ce que tu avais déjà ton choix, toi? Ou on va écouter d'autres choses, puis après ça, on revient avec toi? Non, vas-y, écoute. Okay, moi, c'est relativement court, là, d'ailleurs. Parfait, parfait. Et ça va être prêt dans environ 20 secondes. Fait, pendant ce temps-là, on va écouter des chansons de jeux de rôle. De rôle, pas des jeux de... pas des jeux de rôle. Parce qu'on appelle le Mini Mario Orchestra. C'est un gars qui s'est mis devant, je sais pas si c'est un écran, un rideau, quelque chose comme ça. Bref, il est devant un tableau où on voit des points d'interrogation de Mario, OK? Et là, il y a des mini Mario qui apparaissent dans les blocs et c'est tout le temps lui. Donc, c'est lui qui fait la musique de chaque instrument derrière chaque bloc de Mario qui est en arrière et il joue le chef d'orchestre en avant. OK? Ah. Donc, bon. Là, il y a un premier Mario qui arrive et qui prend un champignon et là, le chef d'orchestre est en avant et va commencer l'orchestre de lui-même. Et là, on écoute le prélude de Final Fantasy 1. Et là, on voit une capture d'écran au milieu de la vidéo pour vous montrer c'est quoi le jeu. Et à quel moment dans le jeu cette chanson-là joue. C'est Mini Mario Orchestra. Son vrai nom est Diva De Leon. Il y a des chansons de Final Fantasy, Chrono Trigger, performées par un seul homme à chaque instrument. Si vous n'avez pas la musique de jeux vidéo, évidemment, c'est pas pour vous. Et, ben, c'est pas spécial, c'est pas du chiptune, ça. Non, c'est très, très orchestral. J'ai envie, un jour, je sais qu'Angèle Dubois, là, récemment, a fait un CD avec des chansons de jeux vidéo. Ça là, toi. C'est vrai. Dont Tetris. Et il faudrait que je me procure ça. Mais bon, pour l'instant, ça va faire, hein, ça. On va juste avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. Je suis désolé pour le coupage ici, là. Clink. Final Fantasy 9. C'est beau. C'est beau. Je connais pas la pièce, par contre. Mais... Non, je suis pas un fan de jeu de rôle, moi non plus. Ça va plus loin, attention. Bloup. Je pense qu'il trippe sur Final Fantasy. Bloup, bloup. Et Grandia 1. Tu vois, le blue bloop, c'est mon bruit de transition pour pas vous brusquer. C'est bloop bloop. Bon, j'adore ça. Je crois que c'est prêt d'être à faire. Attention. Oh. Je pense que pendant ce temps-là, il y a un petit bout avant qu'il se rende à la prochaine loupe, là, donc on peut parler par-dessus comme si c'était l'intro. Bon matin, bienvenue à son autre game! Il est un peu tard. Un peu tard pour ça, hein? On s'en vient. Là, la portion infinie devrait embarquer. J'ai détecté un loop. Moi, je vous fais ça... Ouais. C'est la version pas loopée du thème, évidemment, là. Vous aurez compris. Très beau! Oh non, c'est bien fait. Écoute, Là, il y avait un petit skip ici. Je sais pas si t'as remarqué. Oh, c'est vrai. Il y avait un petit skip. Il y avait un petit skip. Je l'entends. Je l'entends. Oui. C'est quand même ma chanson. Ma chanson! Pour l'instant. Donc, François, je laisse tromper les indices comme pour que les gens figurent. Je pense que. Donc, t'as un choix, toi aussi, dans la chronique que tu manges mon cœur. Oui, écoute, super rapide, je te parle d'un spectacle qui s'en vient ici, pas ici à Trois-Rivières, mais du côté de Québec City, la ville de Québec. Et ça se déroule, évidemment, demain. Demain. Et est-ce que tu devines c'est quoi, Matt? Demain, dans la ville de Québec, t'as dit. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Québec? Indice, Danny Janvier va y assister. Un spectacle d'un groupe de musique vraiment awesome, j'imagine. Vraiment awesome. Métrique au Colisée. Je voulais dire Métrique en plus. Je te jure. Pas vrai? Je te jure. Mais c'était long, avant de te dire. Ouais, c'est ça. Je voulais pas prendre le risque. Donc, 22 novembre à Québec, au Colisée Pepsi. Métrique. D'ailleurs, en première partie, il va y avoir Stars. J'ai écouté Stars hier soir. Le CD. Sérieux? C'est bon. Ça va être un spectacle dément, j'en suis convaincu. Je sais pas si c'est sold out. Par contre, si vous voulez avoir des billets, évidemment, ne pas payer. Visitez la page Facebook de Get a Room, getaroom.ca, je pense, si je me rappelle bien. Et taguez-vous, en fait, dans l'affiche. Bref, vous allez voir là, sur le Facebook. Votre chance de gagner une paire de billets, et ça, tout à fait gratuitement, pour un spectacle, mon Dieu, qui va être formidable. Metric, c'est vraiment, écoute, c'est vraiment un hit ici, assez fou. Là. On adore ça. Et Stars aussi. Donc, aussi. Ça va être formidable. Bon, donc est-ce qu'on va entendre une pièce de Metric? J'aimerais ça. Non, je t'allais choisir. Tu me l'as choisi. Je t'allais choisir. T'es donc bien fin. Écoute, on pourrait enchaîner ça avec Stars. Ouais, exactement. Là, ça l'appelle aussi, Anne-Julie, elle s'en vient. Elle est supposée arriver, ouais. j'y ai déjà dit. Donc, on va écouter le classique en ce moment, c'est Breathing Underwater, si ça te dérange pas trop. Ça ne dérange pas pantoute. Allons-y avec ça. Et après ça, Anne-Julie s'en vient avec sa collègue Lennox. Assemblage requis sur C'est fou. Blou, blou. Blou, blou, blou. Yeah. see it in your eyes. C'était meilleur dans la chanson, ça. Et tu dis que je suis pas un bon chanteur. C'est incroyable. On a entendu Stars, la formation Stars, qui va être en spectacle demain avec qui fait la première partie de Métrique au Colisée de Québec. Hein? C'est pas beau, ça, mon ami? Demain étant jeudi, le 22 novembre. Oui, jeudi 22. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. Ben oui. Et la pièce, c'était Backlines. Yep. Yep. Avant ça, on a entendu Métrique. Et la pièce de Métrique était Breathing Underwater. Voilà pour la bloc, tu manges mon cœur. Tu manges mon cœur. Au retour, la chronique d'Angélie Durocher, l'index. Toi aussi, côté chanteur, ça va bien. C'est pas mon plus grand talent. Mon plus grand talent est aussi calculé dans le système métrique, en passant. Mais fallait finir là-dessus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Hey! C'est moi, ça. 7h37 à Assemblage requis. C'est lui, François-Louis Marchand, c'est toi, ça. Et lui, c'est Mathieu Plante. Tu fais infini, toi, là. Oh! Okay. Toute une qualité. On accueille une tannante, une jeune femme qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Ouais. Avec son doigt. C'est mal à l'aise, hein? Ouais. À grande pichotte d'amour. J'avais pas de son, tu sais, genre, il y a comme deux minutes. Mais là, ça fonctionne? D'un oreille, mettons. D'un oreille? Ça fonctionne. Bouge pas le fil, sinon j'entends plus rien, tu sais. Comme ça, c'est pas super? Non, là, j'entends plus rien. Fais dessus un petit peu, juste toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Pas sur moi. Ah, c'est précisé, par contre. Tu sais, c'est de le rebooter, l'éteindre et le rallumer. Hein? C'est, de souffler dedans? La technique. Tu souffles dedans, ouvre la petite cassette. OK? Non, mais d'après moi, juste en changeant de jack. Ouais, je pense que ça va aider. OK. Je pense que c'est la solution. Ouais. Testons. Oh, là, ça marche. Oh, c'est trop fort. Tu vois, on... Hey, il était dans le fond, tu dis. Tu dois plus avoir d'oreilles, là. Ah, c'est fou, ce qu'on fait, c'est qu'on règle un problème en créant d'autres. Ouais, écoute, t'es sûr pour le reste de sa vie, maintenant. Voici Angélie Durocher. Sors ton index. Fais-le voler dans les airs. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille. Angélie Durocher, ça va? Oui. Bon matin. Ça va bien, garçon? Ça va très bien, merci. T'es plus tôt que d'habitude, donc ton cerveau se réveille, ton cervelet? Oui, mais mon cerveau, il est réveillé, c'est juste ma face qui est pas au courant. C'est pas spécial. Ah, pour ça, les mises à jour. Non, c'est ça, non. Donc, de quoi on parle aujourd'hui dans ta chronique? On parle de Unité 9. Unité 9, la série télé. C'est en plein ça. Avec Radio-Canada. C'est ça. Hein? Avec Béroff. L'agent Béroff. Non? Non. Hey, Béroff. Okay. T'es sûr d'en parler? Ben oui, mais là, tu me parles des noms de famille, je suis pas sûr. Eh bien, Ruff, c'est le nom du... De comment est-ce qu'il s'appelle? Pas Messi, j'ai Messi en tête, mais... Parce que, bref, vas-y, mais Béroff, c'est l'agent. Ben, c'est des filles, là, les agents. Ah non, je me suis trompé. Il se trompe. Là, il est avec 19-2, c'est ça. Mais Unité 9, 19-2, t'as 1 sur 2, je pense. Je me suis vraiment mêlé entre les deux, ouais, tout à fait. OK, parfait, bon. Tu parles d'Unité 9. Hein, tu vas apprendre c'est quoi, là, ben maintenant? Ouais, en fait, ben écoute ça, je ne l'écoute pas. Bon. On laisse faire François, on écoute Anne-Julie. Anne-Julie, ouais, qu'est-ce qu'Unité 9? Unité 9, c'est justement là, une nouvelle série qui a commencé en septembre là, sur les ondes de Radio-Canada. On est à la première saison. La première saison devrait avoir 25 épisodes. Puis c'est ça, en fait, là, c'est une série dramatique qui est signée Daniel Trottier, qui est en fait l'auteur de La Promesse, entre autres, là, pour ceux qui ont écouté La Promesse. Donc, il est capable d'écrire quelque chose d'un petit peu plus intense que La Promesse. J'ai jamais écouté La Promesse, non. Donc je ne peux pas juger de La Promesse. Moi non plus. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, elle écrit, par exemple, Unité 9. D'accord. C'est bien bon. Puis c'est ça, c'est produit par Fabienne Larouche, qui est, je pense que tout le monde sait c'est qui. Virginie, entre autres. Entre autres. Ouais, j'ai pas plus écouté Virginie. Non. C'est assez. Et de Michel Trudeau. La série est aussi réalisée par Jean-Philippe Duval et Louis Bolduc. C'est ça. Là, vous voulez savoir de quoi ça parle. Hein? Ben, c'est un peu ça. C'est comme, là, j'ai fait comme le portrait général, mais de quoi ça parle? En fait, c'est une série qui raconte l'incarcération d'une mère de famille, Marie Lamontagne, qui est interprétée par Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, que vous connaissez, entre autres, pour avoir joué dans Annie et ses hommes. Histoire et de fille aussi. Ah, elle a fait pas mal. Ouais, ben, ça a fait du théâtre, elle a fait pas mal de tout, là, des films le aussi. Le studio, dans le temps. Oh, yeah! Oh yeah! Ben oui, encore. Comment? 4 et demi. Oui. Ça, j'ai écouté ça. Celle-là. Bon, félicitations. Ouais. Hey, ça doit être la première série québécoise que j'ai regardée. Ça en a accompli des choses dans la vie, toi. Chambre en ville, non? Non. Non. Ben, tu sais, oui, mais en tout cas, on en reparlera des séries que j'ai regardées par le passé, là. N'importe quoi. C'est ça. Donc, c'est ça, Guylaine Tremblay interprète le personnage principal de Marie Lamontagne. Qui est en fait là une jeune femme qui est engagée dans sa communauté, mère de deux enfants et veuve, puis qui est prise en fait là au cœur d'un drame familial. Donc elle vient tout juste d'être condamnée pour une tentative de meurtre. Elle est incarcérée à l'établissement carcéral pour femmes de Lietteville. Puis, en fait, le nom de la série, Unité 9, en fait, ça représente le centre de détention dans lequel elle se trouve. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est dans cet environnement hostile-là, qui lui est tout à fait nouveau, qu'elle va apprendre à survivre tout en relevant le plus grand défi de sa vie, qui est en fait là, de soutenir d'autres femmes et de les aider à reprendre leur vie en main. On va, entre autres, faire la rencontre d'Élise, de Shandy, de Suzanne, de Michel, de Jeanne et Laurence, qui sont tous des détenus dans l'unité 9. Puis, c'est ça, Marie, en fait, là, va devoir faire face à un milieu auquel elle n'est pas du tout préparée. À travers, bon, là, je vous ai nommé le rôle des autres prisonnières qu'elle va côtoyer de manière plus fréquente, là. Elle va aussi devoir faire affaire avec le personnel de la prison, dont le directeur Normand Despins, qui est tout nouvellement nommé directeur de l'établissement et qui est là, en fait, là, pour redresser l'établissement carcéral. Donc, c'est quelqu'un là qu'on peut qualifier de très froid et distant. Il est incarné par François Papineau, qu'on a pu voir dans les Poupées Russes, entre autres. Okay. Série que je n'ai pas regardée non plus. Mais dans Unité 9, il est très bon. le nouveau directeur, en fait, là, va imposer sa discipline avec un tempérament, comme j'ai dit, très froid. Puis il va bousculer, entre autres, là, les habitudes du personnel de sécurité et des détenus. On lui a, en fait, là, c'est ça, confié le mandat de réformer le milieu carcéral féminin qui est perçu, là, c'est ce qu'on nous laisse penser à travers la série, là, qui est perçu comme trop laxiste par l'opinion publique. Il va compter donc sur Caroline, Agathe, Martin et Georges, qui est l'aumônier, pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est à travers, justement, les relations entre les détenus et le personnel de l'établissement que Marie Lamontagne et Normand Despins vont s'affronter dans une lutte sans merci pour la réhabilitation des femmes ayant commis un crime. Donc, ayant une conception très différente du pardon et du pouvoir, Marie va devoir démontrer à M. Despins qu'une détenue est un être humain et a droit à une seconde chance. Donc, si ça avait pas mal... Ce que ça me fait dire, la première question que ça me fait poser, c'est ça doit être visuellement froid. T'as utilisé le mot froid tantôt, non? Il me semble dans... Pas du tout. Les murs de béton. Là, oui, oui, oui, le décor, c'est du béton puis un petit peu de gazon des fois quand ils vont à l'extérieur. Là. Okay. Mais le jeu des acteurs dans cette série-là est à mon sens... très bon. En fait, là, on perçoit vraiment toutes les émotions parce que, bon, on imagine, là, j'ai jamais été emprisonnée. Pas encore. du moins, pas encore. Ça doit pas être un milieu facile. Puis j'ai l'impression que les émotions sont très bien véhiculées à travers cette série-là. C'est sûr que c'est là-dessus que c'est axé, là. C'est pas axé sur... Ça va être très dramatique. C'est ça. C'est une série dramatique, ouais, c'est ça. Pas de punchline là-dedans, mais mec. Non, mais c'est justement tout ça. Tu dois en avoir un peu, non? Ben oui, mais il y a... C'est plus des rires malaisants. Ben non, il y en a un peu parce que c'est sûr qu'il y a des situations cocasses qui peuvent se retrouver dans une prison. Mais c'est justement là, de voir toutes les relations entre le personnel, entre les prisonnières, les crimes qu'ils ont faits, comment c'est accepté dans la prison et tout ça. Puis aussi, tu sais, comment les visiteurs, bon, c'est sûr, comme j'ai dit, elle a de la famille, comment c'est les relations qu'elle va entretenir avec sa famille ou ne pas entretenir avec les membres de sa famille. Puis aussi, bien, c'est bien sûr là, tout le mystère entourant son incarcération aussi qui est intéressant. Moi, mon seul questionnement, en fait, par rapport à cette série-là, c'est est-ce que ça reflète vraiment la réalité des choses? Ben, c'est sûr. Est-ce qu'ils ont eu un consultant? Est-ce que c'est... En préparant ma chronique, j'ai vu que l'auteur a fait justement, là, fait beaucoup de recherches. Beaucoup de prison. Non, mais c'est une psycho-éducatrice de formation. Okay. Là, elle a plein de diplômes. Puis elle a justement là, fait des recherches sur le milieu carcéral féminin avant d'écrire la série. Ouais. Donc, j'imagine que ça reflète là, un tant soit peu la réalité. C'est Fabienne Larouche, on sait qu'elle aussi... est-ce que c'est d'elle que tu parlais quand tu as parlé de... Oui, Fabienne Larouche. Ben, je parlais pas de Fabienne Larouche, mais ben, ouais, c'est ça, elle est productrice là-dedans. Mais Fabienne Larouche, elle a tellement travaillé longtemps dans plusieurs domaines, comme, mettons, l'école, ou je crois qu'elle a fait une série sur les hôpitaux, quelque chose comme ça, que ouais, là, elle essaie quelque chose avec les prisons. On dirait qu'elle essaie de vraiment changer de milieu pour essayer de peut-être redémarrer son écriture. Donc, je trouve ça bien d'essayer des choses. Et c'est rare qu'on voit une série qui se passe en prison au Québec. Puis c'est ça. Puis en fait, là, pour ce qui est de la distribution de la série, là, comme j'ai dit, il y a Guylaine Tremblay, mais il y a aussi Céline Bonnier, Micheline Langteau, Eve Landry, Marie-Lou Wolfe, Edith Cochrane, Patrice Lécuyer. Donc, Patrice Lécuyer est là-dedans. Oh. Donc, il y a vraiment quand même là, une... Je les ai nommés comme les plus connus, mais en tout cas que moi je connaissais. Là, est-ce que tu penses qu'elle va se gâter puis le faire se faire frapper, Patrice Lécuyer, parce que les gens aimeraient ça peut-être, non, des fois? Non, ben, c'est mauvaise blague. Vous écouterez la série? Tu l'aimes pas? Hein? Fait que c'est ça, dans le fond, la série est diffusée sur les ondes de Radio-Canada, comme je l'ai dit. C'est quand ça? Les mardis soirs. Les mardis soirs. 20h. Ah, j'ai un cours. Bon, ben, regarde comment c'est merveilleux. Rediffusion sur tout.tv. Et qui regarde la télé en direct, pareil. Non, c'est ça. Puis, en fait, là, il reste 2 épisodes d'ici le congé de Noël. Oui. Parce qu'hier, il y en avait un. Hein? Ouais. Mais c'est bon de savoir qu'il y a 25 épisodes dans la première saison. Donc, tu sais que si t'es en bas, tu vas en avoir quand même pas mal. Oui. C'est des demi-heures, des heures? C'est 44 minutes. Donc, des heures? Oui. Mettons, style. Si tu regardes la télé, ce qui est rare. Oui. Tant mieux. Cool. C'est ça. Ça a l'air bon. Unité 9. Oui. Angélie Durocher, toi aussi, t'as l'air bonne. Quand on fait de la radio, c'est comme... Déclaration d'amour aussi. Là. Ouais. Je parlais de son talent radiophonique. Ah, avec sa petite voix. La petite voix du matin. C'est ça. Ouais. Va te coucher. Mais non. Non, tu restes avec nous? Mais oui. Parfait. Angélie Durocher, l'Index, la semaine prochaine, ça va être les mardis à 7h45. On va devancer cette fois-ci. Dans quelques secondes, on parle de zombies. Oui, le zombie. On en parle depuis des jours qu'on dit qu'on parle de zombie. C'est là le moment. Tout à fait. On reçoit en studio Éric Paul Parrain on va parler en fait de Erol qui organise des activités en lien avec les zombies. Bon. Et les zombies sont partout. Donc voici Damien Robitaille omniprésent. Ça n'a aucun rapport avec les zombies. Ouais. C'est un assemblage requis. je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La la la. Mais même si je suis dans les parages, j'ai toujours la tête dans les nuages. J'ai l'attention tellement fragile, comme la glace sur le lac au mois d'avril. Parlez-moi à vos risques et périls. Bien entendu, bien entendu, je suis assez assidu. Il a le temps de dispersé. Il est ici, il est ailleurs. En long, en large et en travers. J'ai peur que ma vie dérape. Je suis trop souvent dans les vapes. Dans les vapes. Je suis dans les vapes, yeah. Damien Robitaille est omniprésent à Assemblage Requis. Il est 7h52 minutes. Et François-Olivier est toujours là. On a aussi Angie Durocher qui va rester parce qu'elle est fan de zombies. Donc, elle va pouvoir poser des questions si elle en a. Oui! Parce oui. qu'on a un invité spécial en studio, n'est-ce pas? Oui, Éric Paul Parent, qui est en fait producteur. Tu me corrigeras si ton titre n'est pas exact. Là. Producteur d'immersion. C'est en plein, ça. OK, formidable. Pour la compagnie Erol. En fait, là, il faut que je te corrige. Ah oui, corrige-moi. Erol. Erol. Erol, okay. Oui, c'est une petite nuance, là, mais c'est que le nom de la compagnie vient de héros et rôle. Parce okay. que la devise, c'est on fait de vous un héros. OK. Oh, voilà. C'est bien. Okay. Donc, vous voulez apporter en fait une expérience aux gens qui le désirent bien. Oui. Une expérience de quoi? De zombies uniquement? De... Non, en fait, ben, notre produit le plus populaire ces temps-ci, c'est les zombies. Ben, okay. C'est très populaire partout, ouais. dans tous les livres, le cinéma, tout ça. Mais chez Roll, en fait, on fait de l'immersion, c'est-à-dire on vous plonge dans une expérience, là, dans un scénario qui peut durer une heure, trois heures. On a des projets qui pourraient durer une semaine. Ah, ouais. Tu as vraiment l'impression d'être dans ton propre film. Donc, si okay. tu tripes sur horreur, ben, on te fait vivre de trois heures de zombies. Si, ben, encore là, si tu tripes horreur, ça peut être l'Halloween à la vieille prison, où est-ce que c'est un parcours d'une heure, encore une fois, où on te fait peur. Mais on a un camp d'été aussi pour les jeunes puis la famille, où est-ce que le but, c'est pas de te faire peur, mais c'est de faire découvrir tes pouvoirs magiques qui se okay. cachent à l'intérieur de toi. Donc, toutes les thématiques peuvent être abordées par l'immersion. OK. Et ça, ça se déroule où, comme le camp d'été? Ben, le camp d'été, c'est à Saint-Gérard. Là, on négocie avec deux lieux présentement. Ben, en fait, Saint-Gérard puis Shawinigan. Donc, mais... ce qui est propre, parce qu'on parlait tantôt un peu les jeux de rôle, nous, ce qui nous distingue beaucoup des jeux de rôle, c'est qu'on exploite toutes les thématiques puis tous les lieux. Fait que si on a un lieu comme la vieille prison qui fait peur juste à mettre les pieds dedans, c'est vrai. Ben, on va faire l'Halloween. Mais si on a un endroit qui est dans le bois, qui est un peu plus, c'est pas pittoresque, mais campagnard, tout ça, mais peut-être que là, on va concevoir un camp d'été pour les jeunes. Okay. Donc, ça dépend vraiment du lieu qu'on va investir. Pour la série zombie, là, dont on a commencé à parler, ben, on loue souvent des écoles, cégep, des entrepôts désaffectés parce que ça prend un certain espace. Là. Assez grand. Il faut que ça soit grand. Oui, ben, c'est ça. On a à peu près 200-250 personnes qui viennent par événement. Donc, quand tu veux te sauver d'un zombie, il faut que tu aies de l'espace un peu. Oui, non, c'est ça. C'est ça exactement. Mais ça consiste en quoi l'activité? Ça s'appelle zombie? Oui. Ça s'appelle zombie, tout simplement, pas de E. Okay. Ça, comme si ça le distingue, on s'est dit, bon, on va y aller au plus simple. Là. C'est comme Facebook, c'est pas The Facebook, comme dans le film, c'est Facebook. Donc, ouais. nous, c'est zombie. Ça dure 3 heures. Généralement, c'est de 7h à 19h à 22h. OK, le soir, quand même. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que c'est plus cool quand il fait noir. Donc, comme je te disais, on loue, par exemple, l'entrepôt de Trois-Rivières Offset, là, qui était libre. Donc, on okay. appelle le propriétaire, il nous loue ça. Et les gens arrivent vers 5h30. On explique les règles, parce qu'il y a quand même certaines règles, c'est pas très long. On a produit produit une vidéo, d'ailleurs, si ça vous tente d'aller voir ça. Okay. Parce qu'on s'est dit, personne n'écoute la TV, mais tout le monde écoute YouTube. Vous pouvez voir les règles, ça prend 20 minutes, puis on vous explique carrément comment jouer. Puis pendant 3 heures, ben, vous faites votre cardio en sauvant votre peau. Okay. Alors, il y a des animateurs là-dedans. Sur 200 participants, je dirais qu'on a une trentaine d'animateurs d'habitude. Ça dépend du scénario. Puis eux vont nourrir, vont mettre de l'huile sur le feu. Donc, soit ils jouent carrément ce que nous on appelle les contaminés, qui sont des zombies à la 28 jours plus tard, qui vous courent après, puis ils sont maquillés pour la qualité cinématographique. C'est-à-dire, on veut vraiment que tous tes sens te disent ce qui se passe, c'est vrai. Donc, tu sais, quand on écoute un film, puis des fois on fait « Hein, c'est déjà fini, le temps est passé. » Bien, imaginez la même chose, mais dans la réalité. Il y a ça. Puis après ça, bon, les participants jouent soit des militaires, des civils, des religieux, des médics, puis des petites habiletés associées à ça. Okay. Puis eux, quand ils meurent, ils se relèvent, ils deviennent des zombies plus à la Romero. Donc eux, question de sécurité, ne peuvent pas courir après tout le monde. Ils gémissent, puis ils se promènent. Donc quand tu as... Lentement. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Donc, quand puis ils aèrent un peu, mais ils peuvent ressusciter. Là, il y a des petites règles comme ça. Puis c'est ça. Donc, pendant 3 heures, tu es le héros de ton propre film de zombies. OK. Mais est-ce que c'est tout le monde en même temps, les 250 participants en même temps? Ah oui, ça commence. En fait, on essaie souvent de jouer avec la réalité et la fiction. Okay. C'est-à-dire que quand on loue, par exemple, l'école des Estacades, ben, ça se passe à l'école des Estacades, puis on inclut ça dans le scénario. Dans les classes? Oui. Ben, on évite. Ça, c'est une question de logistique, là, mais on évite d'aller dans les salles où il y a 100 000 piastres d'ordinateur, par exemple. Oh non, tout à fait. Bon. Mais on investit le lieu. Donc... c'est vraiment comme si... Tu tournes le coin, tu sais pas ce qu'il y a de l'autre bord. Oui, dans Trois-Rivières, à Trois-Rivières Offset, notre prémisse, c'était qu'il y avait quelqu'un, parce que les épisodes se suivent. Il y a une trame qu'on développe. Là. C'est pas juste, ah, t'arrives, tu joues aux zombies, tu t'en vas. C'est comme une série de films là, de zombies, là, finalement. Et donc, à Trois-Rivières Offset, c'était un endroit où les participants avaient découvert que quelqu'un faisait l'exportation de zombies. Okay. Donc, on avait des gros barils, là. Ça sert pour transporter des olives, là, mais on disait qu'on transportait des zombies là-dedans. Puis, les gens arrivaient, puis faisaient leur enquête, puis à travers ça, ben, il y a des contaminés qui leur courent après aussi, qui essaient de les empêcher de progresser. Mais, c'est ça. Donc, quand on est dans un lieu, on adapte l'histoire pour que ça soit exactement comme si tu étais dans l'apocalypse de zombies, puis à cet endroit-là. OK. Et ça arrive-tu que des fois des gens filment mal? Ouais, genre, ce serait mon genre. Je fais juste me faire taper dans le dos par quelqu'un que je sais pas qui est là. Puis ouais. Oui, bien ça, on a beaucoup d'histoires de tout ça. Mais l'avantage de l'immersion, c'est que chacun s'implique à son niveau. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'être plus spectateur, ben je peux me retirer de l'action. Okay. Ah. Si j'ai envie de vraiment participer, parce qu'il y en a, c'est hallucinant, ils ont des personnages. Au dernier événement zombie, il y a un groupe, parce qu'on a créé des règles pour les groupes aussi, ça leur donne certains avantages, mais il y a un groupe qui s'est déguisé en mariage mexicain. Donc il y avait des mariachis, on utilise des armes en foam là, qui sont très réalistes. Okay. Tu as vraiment l'impression que la personne a une hache ou un pipe wrench, comme on dit en français. Okay. Mais eux, ils avaient fait des trompettes, des guitares en mousse pour se défendre. Assommer. Oui, c'est ça. Puis il y avait la mariée, le marié, puis toute la famille était là avec la bouteille de champagne en mousse. Puis c'est ça. Donc il y a des gens vraiment qui se donnent à fond là-dedans. Puis il y en a d'autres qui plutôt viennent un peu plus, pas en spectateur, mais comme en amateur, puis participent à leur rythme. Donc ceux qui ont vraiment, vraiment peur, ben, peuvent se retirer à un moment donné. Ceux qui veulent avoir peur peuvent continuer. Puis je vous donnerai un exemple pour la prison Asile Arkham, là, qu'on a terminée récemment. Ben, il y a quelques personnes qui sont parties. Là. Sur les 2600 qu'on a eu, il y en a peut-être une dizaine là, qui ont fait « OK, c'est correct que je débarque. Ben, » C'est une bonne moyenne. J'en ai assez. Ouais. Là. Fait que ça arrive. Là. Donc, ce qui est le fun, ça donne la même rush d'adrénaline que de monter dans une montagne russe, sauf que c'est toi qui as le pied sur la pédale de gaz. Fait que tu peux décider quand est-ce que ça va trop vite. Puis... Et est-ce que les participants doivent se déguiser? Pas obligé, en fait. C'est ça, ce qui est une autre chose qui nous distingue des jeux de rôle, c'est que quelqu'un qui arriverait et qui disait « J'ai jamais entendu parler de votre affaire, je trouve ça cool, je débarque », ben ils peuvent embarquer. Comme je dis, vous écoutez les règles, ça prend 20 minutes, on peut vous louer, on utilise des pistolets à fléchettes, là, style Nerf. Là. Okay. Donc, c'est inoffensif. On vous en loue un pour 5$. Okay. Puis, il y a une catégorie de rôle qui s'appelle « citoyen ». Donc, tu es habillé comme tu es habillé. Fait qu'il y en a des citoyens qui s'habillent en concierge, il y en a qui s'habillent en complet cravate, en marié, c'est ça. Donc, eux, simplement, si t'as pas vraiment d'habileté, mais t'as toutes les classes, là, tous les rôles qu'on a créés ont des habiletés qui s'équivalent. Donc, par exemple, le citoyen, c'est plus rapide pour lui de ressusciter. Mais si tu veux te déguiser en militaire puis acheter des gros fusils Nerf à batterie, okay, ben tu là, peux. Tu peux jouer en militaire. Puis là, toi, tu as le droit d'utiliser genre le bazooka, puis tu as le droit de faire des choses comme ça. Le médic peut guérir, mais là, il faut qu'il soit déguisé comme un médic. Donc, comme je disais, quelqu'un qui arriverait comme ça, sans préparation, en 20 minutes, peut embarquer dans le jeu, puis se jouer lui-même, finalement. Okay. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est on veut que les gens... J'ai fait un doctorat là-dedans, tout ça. On ne rentrera pas dans ces détails-là, mais l'important pour moi, c'est qu'au lieu d'avoir des gens qui sont assis à regarder passivement, ben, je veux que les gens participent. Fait qu'au lieu de dire à la fin, « Hey, Tom Cruise, il était bon dans ce film-là. » Ou, pour prendre un exemple plus pertinent, World War Z, tu sais, « Hey, Brad Pitt, il était hot là-dedans. » Ben, on va dire, « Hey, moi, j'étais hot là-dedans. » Parce que c'est moi qui l'a tué le zombie. C'est moi qui a sauvé mon ami. C'est moi qui a ressuscité mon ami. C'est moi qui a fait l'exorcisme, par exemple. Donc, c'est vraiment, on fait de vous un héros, mais pas juste parce que c'est cool, mais parce que je crois que c'est, ça a une valeur lorsque les gens posent des gestes d'eux-mêmes. Tu sais, je suis vraiment pas contre les films. Tout ça, j'adore aller au cinéma. Non, mais c'est autre chose. C'est ça, oui. Tu sais, t'as la même émotion, t'as la même force, mais tu le fais toi-même. OK. Et ça coûte combien? Pour ça, c'est 25 $ Donc, okay. Pour zombies, ça dépend de nos élèves. Pour 3 heures? Pour 3 heures. Okay. Donc, ça se compare à aller au cinéma. Là. On veut vraiment que ça soit grand public. En fait, on aimerait beaucoup qu'à un moment donné, l'immersion devienne comme aller au cinéma. C'est qu'au lieu de dire, bon, mais je vais aller au cinéma, puis je vais aller m'asseoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'avoir ce même choix-là. C'est de dire, OK, asseoir, ça me tente-tu d'être un policier? OK, on va aller faire CSE Trois-Rivières. T'sais, on va aller faire une enquête à la CSI. Asseoir, ça me tente-tu, je sais pas, d'être un voleur de banque? OK, là, on prépare un jeu aussi qui s'appelle Gangster. T'sais, donc, est-ce que ça me tente d'être dans la mafia? Ça me tente-tu de rencontrer Sherlock Holmes? Je sais pas. Ça peut, on peut traverser l'histoire, ça peut être dans la science-fiction. Donc, c'est vraiment ça notre objectif, en fait. C'est de rendre l'immersion aussi accessible que le cinéma l'est aujourd'hui. OK. Et pour zombies, oui. L'activité va se dérouler quand, la prochaine? Est-ce qu'on a une date? La prochaine, c'est le 1er décembre, en fait. Mais c'est un événement hors série. Comme je disais tantôt, c'est des épisodes qui suivent. Okay. Donc, c'est seulement pour 100 personnes. Et puis déjà, c'est presque plein. Là. Il reste 10 places. Là. Oh, OK. Fait que ça, faut réserver? Oui, il faut réserver d'avance, en fait, parce que nous, ça nous permet d'écrire le scénario, d'ajuster tout ça. Mais je dirais que le prochain, on fait ça à peu près tous les 3 mois. Donc, okay. Je sais pas si je peux faire une plug, mais l'idéal, c'est d'aller voir le site internet herole.ca ou encore notre page Facebook, herole. Puis, on annonce régulièrement tous les événements, là, quelques mois à l'avance. Okay. Pour réserver, j'imagine que c'est via le site internet. Oui, c'est ça. Toutes les informations. Oui, parce qu'il y a un formulaire. En fait, on fait signer une décharge. Pour zombies, c'est un sport contact quand même. Là, je veux dire, c'est les plus gros incidents qui nous sont arrivés, c'est quelqu'un qui trébuche là. Mais ça va arriver quand on court, quand on essaie de sauver sa peau, ça va arriver. Mais oui, alors vous passez par le site internet, vous signez la décharge, puis on envoie une facture PayPal. Donc c'est très simple. Là. Oui, c'est une bonne activité étudiante, entre autres. N'est-ce pas, Julie? Absolument. Je vous cacherai pas qu'on avait approché l'UQTR. Mm-hmm. Et bien, on s'est pas rendu jusqu'à la tête dirigeante de la sécurité. Ben, ils ont été très, très courtois, mais... Ah, pour pouvoir faire l'activité dans l'UQTR, oui. Pour louer un pavillon de l'UQTR. Ouais. C'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a commencé à discuter l'année passée, sauf que je comprends très bien des armes, même... Fictive, offensive, ça peut avoir une école, tout ça. Okay. Donc, généralement, quand on approche un lieu, soit c'est « Ah, c'est non, mais cool, je viens avec ma famille », comme aux Estacades, par exemple, ils nous accueillent à bras ouverts. Et d'autres endroits, ils disent ben, « Ça ne correspond pas à nos valeurs » ou « On est mal à l'aise », c'est ça. Alors, on est... Vas-y, Angie. Ben, c'est ça, c'est surtout dans une université, le monde étudie comme dans l'université comme pas mal tout le temps. Tu peux pas la vider complètement. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a qui pourraient... Les Estacades, avoir peur, pour vrai. Ouais. Les heures d'ouverture, les Estacades, c'est ben oui, c'est ça, exactement. Donc, nous, on rentre quand on bouche les trous, en fait, quand il n'y a personne, ben, c'est là que nous, on fait notre meilleur travail. Ça bouche les trous en criant d'autres. Et si on parlait rapidement, en fait, des autres activités que vous avez organisé Arkham à la vieille prison, ça a été un succès. Oui. Comme à chaque année. En fait, c'est pas mal tout le temps plein. Il faut réserver beaucoup d'avance. Ah oui, ça fait 2 ans qu'on le fait. On a eu 1600 l'année passée, 2600 cette année. Puis on revient l'année prochaine. Arrive, là, oui. Ah oui, c'est certain. Là, c'est signé. Donc, vous changez un peu la recette? Oui, on change la thématique. À chaque fois? Oui, c'est ça. Parce que... Ben, le lieu s'y prête bien, ça fait un peu c'est notre signature. Ou sinon, on change de lieu, on change de thématique. Si quelque chose est populaire, ben on va dans cette direction-là. Si les gens, ça les intéresse plus, ben, on va ailleurs. OK. Puis c'est aussi pour fidéliser nos participants. Je veux dire, la première année, c'était sur le jeu vidéo Batman. Warner Brothers avait été très gentil avec nous. Ils nous avaient dit, ben, regardez, il n'y a pas de problème. On n'a même pas payé pour les droits. C'était vraiment une entente à l'amiable. Puis cette année, on est resté avec Arkham et Lovecraft, donc le grand-père de l'horreur, pour être quelque chose d'un peu psychologique. Parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a un travail d'éducation aussi. Des fois, à Arkham, par exemple, il y a des gens qui nous regardent un peu confus, comme si on était à la télévision qui leur parlait. Mais okay. Ils savent pas quoi faire. Ils sont pas habitués de se faire. Mais de réagir. Oui, puis d'interagir, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ils écoutent la TV. T'es assis et ouais. Puis la TV te parle. Avec ton chat, mais tu sais. Oui, c'est ça. Quand la TV te parle, tu réponds pas. Non, non. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on interagit vraiment okay. Avec les gens. Donc, plus ça va, plus on essaie de complexifier nos événements pour que les gens qui en ont fait fassent OK, c'est ça. Je peux participer. OK, je peux aller. Donc, l'année prochaine, on monte encore d'une coche. Là, je ne peux pas vous révéler le punch, mais. Non, mais là, de toute façon, tu vas revenir en parler. Ben, oui. C'est clair, c'est clair. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe en 2013 à la vieille prison de Trois-Rivières. OK. Dans le temps de l'Halloween? Oui, oui, oui, oui. Ça va être encore un mois, là, mi-octobre à mi-novembre. Là. OK. Donc, parce que c'est ça, on refuse encore des gens. C'est ça. Mais on va vraiment jouer dans la réalité. Ah oui, non, c'est vraiment le fun. Puis après ça, ben, c'est ça. Il y a CSE Trois-Rivières. C'est un parcours touristique qu'on a fait cet été qui revient l'été prochain pour Tourisme Trois-Rivières où est-ce qu'il y a un historien qui a été assassiné? Okay. Puis vous êtes une unité d'enquête à la CSI. Faut trouver le coupable. Oui, ben faut trouver le coupable. Faut d'abord prouver est-ce que c'est naturel ou pas. OK. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un historien. Donc, faut fouiller dans ses documents, puis on lit des documents historiques qui sont véridiques. Oh. Fait que t'apprends sur la Violette qu'il y a un mystère entourant. Puis ça, c'est tout vrai. Là. On n'est pas sûr qui est la Violette. Il y a des historiens qui travaillent là-dessus. On va sûrement le découvrir bientôt. Mais à travers ça, t'apprends l'histoire. Fait que l'immersion, oui, c'est le fun. Tu peux vivre un trip d'horreur. Mais t'apprends mais, aussi. Oui, tu peux. Si on a un message à passer, c'est encore plus intéressant. Puis parce qu'encore une fois, c'est toi qui poses les gestes. Parce qu'il y a de l'émotion qui est attachée à ça. T'sais, quand tu prends des empreintes digitales toi-même, t'es comme, c'est cool. T'es fier de toi, donc tu vas t'en souvenir plus longtemps. Donc, c'est pas juste être assis et écouter. Quoique, encore là, ça peut être utile, mais je veux dire, quand on ajoute le côté émotif, participatif, tourisme culturel des faits réels aussi. Oui, c'est ça. Ben là, l'émotion fait que les faits réels vont rester plus longtemps. OK, et rapidement, oui. On va parler d'une dernière activité, Gangster. Oui. Qui s'en vient. Ça, on prépare ça. En fait, c'est Gangster, c'est Crime et Corruption. Donc, ce que c'est, ça va se passer dans les rues. Partout, là. Partout, un peu chez partout, vous. Partout, partout. Ce qu'il faut, c'est que tu te formes ta famille. Tu peux être un gang de motards, la mafia traditionnelle. Tu peux être des yakuza, si tu veux. C'est toi qui vas décider un ça, peu la thématique. Cool. Puis, il y a des règles très, très simples où est-ce que tous les 10 jours, il y a un paquet qui est déposé. Chez vous. Ou n'importe où. Okay. N'importe où, dans les villes qui vont jouer. Donc, okay. Si on a des gangs à Montréal et Trois-Rivières, c'est là qu'on commence parce que c'est là qu'on est situé présentement. Ben, t'as un colis qui est déposé, tu sais c'est où, ça te donne des points quand tu réussis à le pogner, puis à le liquider, donc réussir à le revendre à travers tes contacts. Puis, avec tes points, ben là, tu peux acheter de l'information pour le prochain colis, tu peux acheter de l'information pour découvrir qui est le chef de l'autre famille, pour aller l'éliminer. Fait que c'est vraiment vivre un trip de mafia, mais ça, ça va se passer en période de 100 jours. Okay. Puis les gens, bon, s'abonnent d'une certaine façon, puis ils créent leur propre trip avec ça. Les seules règles, ben, en fait, pas la seule règle, il y a quelques règles, mais je veux dire, on ne joue pas genre de 10h à 8h le matin. Puis vous rentrez pas dans la maison des gens sans être invité. Mais à part de ça... Comme un vampire. Ouais, c'est ça. Ça sera peut-être la prochaine fois. Oh, c'est ça, la prochaine game, on verra. Mais donc, c'est ça, c'est pour... comme je disais tantôt, on joue avec la réalité et la fiction. Quand on se lève le matin, on choisit notre costume, on choisit comment on se comporte. Si on veut avoir l'air d'un homme d'affaires, on s'habille en homme d'affaires. Si on veut avoir l'air d'un étudiant, on s'habille en étudiant. T'sais? Puis il y a toutes les variétés à travers ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire semblant? Je veux dire, aujourd'hui, vous savez pas que mon nom, c'est vraiment Éric Paul Parent. Tu sais, je suis rentré, mais je pourrais m'appeler autre chose. Je pourrais être quelqu'un d'autre qui fait semblant d'eux. Là, t'aurais pas fait ça? Non. Peut-être, mais c'est peut-être. On l'a dit au début de l'émission, c'est peut-être Éric l'enfant. Ouais, c'est ça. Donc, il a viré à l'envers, Paul Parent. Et voilà. Je suis Paul Parent. Pas pire. Mais c'est ça. Fait que quand on joue avec ça, eh ben, il y a plein de possibilités. Puis la technologie aujourd'hui nous permet de créer des coïncidences qui en sont pas vraiment. Je veux dire, ton téléphone sonne, tu dis, comment ils ont eu mon numéro? Mais c'est parce que tu t'es inscrit tantôt. Mais les gens l'oublient, c'est ça qui est drôle. Ou tu portes une cocarde autour de ton cou qui fait qu'on t'identifie, l'animateur le sait, mais toi tu l'oublies. Fait que ça crée le sentiment que c'est comme de la prestidigitation. Ça donne vraiment l'impression, comme je disais tantôt, que ce qui se passe est vrai. Puis quand tes sens te disent que c'est vrai, si tu entends une alarme de feu, forcément il se passe quelque chose. Fait que si on déclenche l'alarme de feu, ce qui est très facile à faire dans un édifice, puis on dit on s'excuse, il y a quelque chose, on arrête tout, là, puis, mais finalement, ça fait partie du scénario. Ouais, là, tu ne sais plus, là, t'es comme ça. Déstabilisé. Notre référence, en fait, c'est le film The Game, qui est sorti en 1997, Michael Douglas, Sean Penn. C'est bon, ce film-là. C'est très bon. Bon, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à faire sauter quelqu'un d'un édifice pour qu'il tombe sur un matelas quand il pense qu'il allait se suicider. Mais c'est vraiment ce qu'on cherche On a fait, par exemple, l'année passée, pour la fille de nos amis, nous ont dit, hey, pourriez-vous faire des contes et légendes pour les 12 ans de notre fille? On a dit, on va faire quelque chose de plus cool que ça. Elle a trippé sur Twilight, fait qu'on a fait, pendant 2 semaines, un scénario avec les parents, les grands-parents, le parrain, tout ça, puis elle était convaincue qu'il y avait des vampires. C'est que ça existait, puis qu'elle allait se faire kidnapper. Ah, fait que ça non plus, les gars. Ben, c'est ça, ouais, c'était le temps que ça finisse un peu, parce qu'elle était tellement surexcitée, tu sais. Puis. Elle avait pas peur, là. Ben oui et non, elle était juste trop enthousiaste. C'est ça, puis à la fin, c'était dire, il y avait une société secrète qui voulait te tester. Fait qu'elle, ça l'a fini par une performance de tueur à rien, parce qu'elle fait ça. Fait que tous ses amis étaient dans l'amphithéâtre, là, un masque, puis c'était la société secrète qui venait comme faire son entrevue. Ben, comme voir est-ce qu'elle était à la hauteur pour se joindre à la société secrète parce qu'elle avait vaincu les vampires. Fait qu'elle finit avec une performance hallucinante. Tout le monde enlève son masque. Bonne fête. Puis là, elle était comme... Oh, mon Dieu! Ah. Tu sais, j'y repars. J'ai des encore. Frissons. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai. C'est vraiment cool. C'est ça. Fait qu'on peut créer... Tu sais, quelqu'un trip sur... Comme je disais tantôt, sur Sherlock Holmes, quelqu'un trip sur la mafia, quelqu'un trip sur peu importe, tu le vis pour de vrai. Est-ce que vous organisez des mariages pour des particuliers? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Oui, ben absolument. Ouais. Présentement, on organise des parties de Noël. Okay. Donc, il y en a... parce que les employés vont se faire annoncer que le party de Noël est annulé là, très bientôt. Okay. Puis qu'en fait, on va remettre ça en janvier parce qu'il y a eu de la fraude en compagnie. Oh boy. Puis ils vont quand même aller à l'hôtel, mais ça va être parce que les enquêteurs débarquent. Okay. Et après, plus tard, la musique va partir, puis ils vont... Mais c'est ça, c'est que... Nos événements, ça commence souvent par « on s'excuse, il y a un problème okay. ». Et on va changer le plan, là, ça ne marche plus. Fait que c'est ça, t'es comme déstabilisé. Oui, puis généralement, les gens, ils s'excusent pas. T'sais. Quand il y a une erreur, quand on cafouille, mettons, à la radio, on fait pas « hey, je suis désolé, là, j'ai vraiment... » On ne met pas l'emphase là-dessus. Mm-hmm. Quand on commence en disant « on s'excuse, vraiment », mais les gens, ils disent « ça doit être vrai ». Puis s'ils ont accepté cette première petite menterie-là, c'est dans le sac. Pas un bon choix de mots, le menterie, mais cette première petite illusion-là, bien, la prochaine va être plus facile à accepter. La prochaine, plus facile. Ça escalade. Puis je vous dirais que la durée y est pour beaucoup. Tu sais, après 3 heures, là, tu sais, d'entendre des cris, voir des gens qui tombent, qui meurent autour de toi, bien, t'as pas le choix. Tu vas y croire. C'est comme dit, tu sais, on tombe tellement facilement dans un film ou un livre que, tu sais, si t'as le son en plus, les odeurs, le goût du sang dans ta bouche. Je veux dire, c'est sûr que c'est facile de tomber dans le jeu, de se laisser prendre au jeu. Eh ben, c'est génial. Formidable. Awesome. Amazing. Formidable. Hey, fait que tu reviens en septembre pour nous parler de l'activité qui va se dérouler. Ça me fait plaisir, oui. Formidable. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous. On rappelle le site web une dernière fois. Donc, c'est Herole, Herole.ca. Merveilleux, merci. Merci. On va s'arrêter ici quelques instants pour faire des affaires de la big business, c'est comme on l'appelle. On vient avec la collègue de Jasmine Raymond-Dréville et la GEQTR dans quelques minutes. Après ça, Maxime Bilodeau va nous parler de sommeil. Endors-toi pas parce que les zombies vont t'attaquer. Je dors plus jamais. Non, c'est ça. Oh, ça, c'est l'info campus. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure, / 45 minutes d'Assemblage requis. Il est 8h16 minutes. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Non, moi, je m'appelle Léopoldine. Quand on dit ça fait Léopoldine. Quand on dit ça fait Léopoldine. C'est ce que je m'apprête à faire. T'es pirate, non? Ouais, t'es des pirates. Il finissait... c'était cool. Il donnait des vraies recettes, mais c'était dégueulasse. C'était drôle. Ouais, c'était dégueulasse. Je pense qu'ils sont trop jeunes aussi. Non, mais j'ai connu Télé Pirate. J'ai écouté ça avec mon père. Ah, cool. Moi aussi. Ouais. Mais pas avec mon père. Pas avec ton père, mais j'ai écouté ça avec mon père. Non, j'écoutais pas ça avec ton père, mais j'ai écouté Télé Pirate. Tu viens d'un monsieur Picard là-dedans? C'est ce petit, il y avait un monsieur Picard. Je sais qu'il y avait Réal. Spécialité. Ouais. Parce que je me souviens de Christian Bégin qui dit comme. Tout le temps, M. Picard, mettons. Lui. En tout cas, il présentait tout le temps. C'est très loin dans ma tête. C'est vraiment flou dans ma tête, moi aussi. Comme il n'y a pas de DVD de ça, il n'y en aura jamais, sûrement. C'est de même. Il y a sûrement des capsules sur YouTube. YouTube. Oui. Allez sur le coffre au trésor, là, c'est le site hommage à Canal Famille. Bon, donc, assez parlé. Angélie est toujours là. François-Louis Marchand, Mathieu Plante. Maintenant, on accueille Jasmine Raymond-Dréville. Voici la chronique AGEQTR. Léopoldine. Ah! AGEUQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTA, parce que l'AGEUQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. C'est catchy comme chanson d'intro, hein? Donc, salut, Jasmine. Salut. Ça va? Ouais. Ouais, pas trop perturbé. Oui. Non, nous allons très bien, merci beaucoup. Non, mais vous, tout le monde. Ah, okay. Pas juste toi, je te vois pas. Tu me regardais. Oui, ça va bien, Jasmine. Merci de t'en inquiéter. Bon. Puis toi, dans le fond? Oui, ça va, mais salut. Cool. Tout le monde va bien. Oui, donc, activité. Bien, comment est-ce que ça va? Ben, ça va, je l'ai dit. Ouais, t'écoute pas, suis-le. Non, je t'écoute pas partout. C'est comme dans une conversation, ça va, oui, toi, ça va. Toi, ça va. Tu sais, là, ça se répète sans cesse. Ça va, toi? Ça va, toi? Ouais, ouais. De quoi on parle chronologiquement parlant de la GQTR cette semaine? Ben, chronologiquement parlant, ce soir, c'est la soirée artistique, volet musical. Oh, je vais pouvoir aller chanter la chanson thème de la GQTR live. Oui. Ou pas? Oui, ben, tu pourras. Oui. Il y a du chien aussi? Ouais. Ben, faut juste que t'ailles idéalement des instruments et des gens qui t'accompagnent. Ça peut être juste une flûte avec. Là. Ça peut être. Okay. Tu peux chanter à cappella. Ah, tu peux chanter à cappella? Ouais, tu peux. Je sais pas si ce serait bon, c'est ça, pour Mathieu qui va chanter ça. Ouais. Jean-François Veilleux avait gagné l'année dernière, je me souviens bien, avec un chant à cappella. Ouais. Tout à fait. Donc, tout se fait. Tout se fait. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir, à quelle heure, c'est où? Ça coûte quoi? C'est à 19h30? 19h, c'est en plein ça. Ça coûte rien. Oh. Dans le fond, on prend encore les inscriptions. Fait que vous pouvez soit envoyer un courriel à vpsociaux.agea@commercialuqtr.ca ou passer le voir au bureau. Il s'appelle Pascal Goulet. Est-ce qu'on peut se présenter directement? Oui, tout à fait. Vous pouvez. En fait, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au début de l'activité. Là, fait que vous pouvez aussi vous présenter ce soir. C'est juste que soyez prêts puis ayez votre matériel si vous arrivez à la dernière minute comme ça, parce que ce sera pas le temps rendu là de. Aller chercher votre drum chez vous, puis votre guitare, puis votre piano, puis. Ni de l'installer, là. Tu sais, c'est ça. Ouais. Votre harpe. Votre j'aimerais harpe. J'imagine ça. Ça pourrait arriver. J'imagine que ça prend. Si vous pouvez jouer de la harpe, je pourrais. J'imagine que ça prend un minimum de talent. Ben, si vous voulez que les gens vous applaudissent puis vous aiment, oui. Mais sinon. Sinon, n'importe qui peut y aller. C'est ouvert à tout le monde, là. Ouais. C'est comme. On est qui pour juger du talent des gens, de toute façon. Exactement. Ils peuvent gagner en plus de l'argent. Il y a des bourses. Il y a 3 bourses à gagner. Des sacoches, ouais. De combien? Les montants, par exemple, l'information m'a pas été donnée, mais quand même des bourses. On sent ça, c'est plus que 10$ chacune, là. C'est peut-être. 50. Je sais plus c'est quoi le budget, là. C'est la première. C'est dans les deux. Oh, et puis la première est plus élevée que la deuxième est plus élevée. Oh, c'est plus élevée que la troisième, voilà. Donc, c'est le mieux aux 3 meilleures performances. Cool, ça, c'est très cool. Oui. Très cool. Hey, c'est quoi qui. Je sais que ça peut-être pas rapport avec ce dont tu allais nous parler, mais c'est quoi qui a au 10-12? Il y avait des paravents, tout ça? C'est hier, quoi, ça, ben, c'était Arborescence. Hier, c'était Arborescence, une activité de récréo. Récréo. C'est récréo, hein, okay. C'était comme un espèce de gros. Melting pot. Un gros melting pot de talents divers. Je suis allée, c'est vraiment cool, en fait, pour faire connaître leur bac. Il y avait du chant, il y avait de la danse. Il y avait du chant, de la danse, des arts visuels. Des arts visuels. Il y avait vraiment de tout. C'était vraiment bien, bravo. Il y avait du chant, puis tantôt, à la fin de la chronique, il y avait peut-être une petite surprise. De ma part. Bon, ben tant mieux. C'est ça. Tantôt. Fait que hier, c'est ça qu'il y avait au dessous. D'accord, merci. Voilà. T'as bien répondu. Est-ce qu'on continue dans l'ordre chronologique des événements? Allons-y. Demain soir, à 19h30, à la Chasse-Galerie, il y aura Génie en herbe. Genius and Herbs. Ouais, c'est une activité qui avait été vraiment populaire l'an passé, puis ben, en fait, on l'a fait cette année. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à. Il doit être temps, en fait, un les peu, inscriptions là. Sont terminées. Là, ouais. Donc, vous aviez jusqu'à. Récemment. On s'en fout jusqu'à quand, en fait. C'est ça, fini. C'est fait. C'est fini. Too late. C'est ça. C'est à 19h30 ce soir. Il va y avoir 3 participants par association qui vont livrer un combat intellectuel incroyable avec des petites clochettes pour répondre aux questions. À coup de lunettes, c'est à ça. À coup de lunettes. À coup de lunettes de mais Word. Mais venez assister, oh, c'est vraiment le fun. Pas. C'est vraiment drôle. Fait que, en tout cas, je suis à l'assister. Moi, j'ai composé certaines questions, mais il y en a qui sont difficiles, puis j'en ai vu des autres aussi, puis c'est pas tout facile. C'est par catégorie, comme dans Génie en herbe? Oui. OK. C'est quel ça. Genre de catégorie? Puis il y a catégorie musicale, catégorie langue française. Actualité, littérature. Histoire, ouais. Sûrement. C'est ça. Ça. OK, cool. Maths. Ouais. Les questions de maths. Ouais, moi, c'est pas. Les questions de maths, les questions de littérature / cinéma. Donc, en tout cas, venez voir ça. Moi, j'ai assisté l'an passé, là, puis ça dure quand même un bon moment vu qu'il y a beaucoup d'équipes. Puis là, on a 14 équipes. Hé, tu dis 14 équipes de 3? 14 équipes. Non? 14 équipes. En tout cas, ça va être vraiment hot. Fait que venez, c'est ça. C'est demain soir à 19h30 à la chasse. Puis venez encourager votre association. Il n'y a pas de question culinaire, là, ça non? Non. Ben, peut-être, là. Bon, je sais pas. Okay. Mais on pourrait vous demander, par exemple, dans la littérature, qu'est-ce que mangeait Harry Potter le premier, dans la première page du livre. C'est quoi la réponse? Sûrement rien, parce que sa famille était vraiment pas fine avec lui. C'est ça. En tout cas, donc demain soir à 19h30 à la Chasse-Galerie, Génie en herbe. Voilà. Génial! Hey, bravo! C'est drôle. Du calibre de Mathieu Plante. Puis après ça, on va continuer... Un herbivore. Hey. Hein? Hey. Bon, on va continuer vers quelque chose de plus négatif. En fait, on était supposé recevoir dans le cadre de l'activité Tribune Libre le ministre de l'Enseignement supérieur et de plein d'autres choses, Pierre Duchesne. Puis finalement, pour des raisons de santé, il ne sera pas là. Problème de dos, ben oui. Ouais. C'est ça, il sera pas là, donc il devait être là vendredi pour discuter avec les étudiants en vue du sommet sur l'enseignement supérieur, puis il ne sera pas là. Mais on va lui relancer l'invitation pour qu'il revienne discuter avec les étudiants. Donc, en annulant, il nous a dit qu'il reviendrait. Bon, au moins. Par courriel? Dans combien de temps? Par courriel, on a ce décrit, fait qu'il va revenir. On a des preuves, ça c'est des voilà, traces. Donc c'est plate, sauf que c'est la vie. Fait que vous pourrez faire d'autres choses vendredi midi. Bon. Mais vous pourrez venir quand même manger un sandwich à la chasse. Ben oui, ils sont toujours bons, ces sandwichs-là, toujours bons. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est ça. Ensuite, au niveau pour niveau, mais en ce qui a trait aux recherches... pas l'expression au niveau on de... On n'a pas le droit de pas ça. Le droit, hein, en on français. Peut pas, c'est un anglicisme. C'est quoi l'anglicisme de quoi? De level, j'imagine. Là, de... En tout cas, on peut pas dire ça. OK. Voilà, bon, je pourrais vous en reparler une autre fois. S'il te plaît. C'est ça. Donc, on peut juste parler de niveau lorsqu'il y a des différentes hauteurs. Des grades ou quelque chose des comme ça? Des grades, des hauteurs, tout des ça. Des paniers. Donc, c'est ça. Tu fais plus ta chronique linguistique, non, là, Jasmine. Me ça me manque pour vrai. Je me suis surprise, il m'a dit pourquoi j'avais pas le droit de dire ça. Ça me manque beaucoup. Donc, en fait, la GE recherche est à la recherche d'un recherchiste ou d'une recherchiste académique. Il va falloir engager un recherchiste pour trouver un recherchiste, d'abord. C'est en plein ça. Ouais. Donc, en fait, c'est pour. C'est un poste où la personne va avoir à analyser la recherche de la GEQTR à la recherche de la qualité universitaire. Cette personne-là va avoir à élaborer un questionnaire sur la qualité des universités, à recueillir et analyser les données, puis à recueillir les propos de groupes de discussion et à rédiger un rapport final d'enquête. Donc, les personnes intéressées ont jusqu'au 27 novembre pour remettre leur curriculum vitae pour ce poste-là à l'adresse secgen.agea@commercialuqtr.ca. Donc, secgen.agea@commercialuqtr.ca en précisant... quel poste vous intéresse, en fait, parce qu'on a d'autres postes qui sont ouverts, mais celui-là, c'est celui dont la date d'échéance... La date de fin des candidatures approche le plus. Finalement, probablement que vous l'avez vu ou pas sur votre portail étudiant ou sur des babillards, mercredi prochain, à midi au 10-12, il va y avoir une assemblée générale spéciale. C'est des étudiants, en fait, qui ont demandé à ce que soit tenue cette assemblée générale spéciale-là. Donc, ils ont suivi les procédures là, prescrites dans les statuts et règlements de la GE en recueillant 100 signatures et en indiquant l'objet précis de l'Assemblée. Donc, je vais vous dire ça. Donc, en fait, il y a un seul point à l'ordre du jour, là, mis à part ouverture de la réunion, tout ça. Un seul point qui est, en fait, la prise de position de la GEQTR sur une proposition qu'on a ici que je vais vous lire. Donc, considérant que le sommet sur l'éducation pourrait mener à des états généraux sur le même sujet, considérant que la GEQTR ne propose rien par rapport au droit de scolarité si des états généraux devaient survenir, considérant l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites, considérant que les droits de scolarité ne sont pas une manière de limiter l'accès aux études supérieures en fonction du mérite, que la GEQTR propose lors d'états généraux une perspective de gratuité scolaire balisée. Donc, l'Assemblée va avoir à se positionner sur cette proposition-là. C'est ce qui nous a été... en fait, c'était ça l'objet pour faire la demande d'une Assemblée générale spéciale. En ce moment, la GEQTR est contre toute modification aux frais de scolarité jusqu'à la tenue d'états généraux... Puis modification dans les deux sens, hein? En fait, une baisse serait... Toute modification, rejetée. Une baisse, une hausse, n'importe quoi. Donc, en fait, ils veulent que la facture reste telle qu'elle est jusqu'à ce qu'il y ait des états généraux. Touche pas à ça. Puis, si jamais cette proposition-là est adoptée, en fait, la GEQTR proposera, lorsqu'il y aura des états généraux, justement... une gratuité scolaire balisée. Puis, donc, ça, c'est si accepté. Puis, si c'est refusé, bien, ça sera refusé. Donc, c'est mercredi prochain au 10-12 à midi. On a le 10-12 jusqu'à 15h, donc soyez là, soyez à l'heure là, quand même. Ayez votre carte étudiante, puis on va vous tenir au courant à savoir si on a une levée de cours. La demande a été faite. auprès de l'administration de l'UQTR. Il y a un nombre limité de... En fait, on est en attente d'une réponse, donc on va voir ce habituellement, c'est une levée de cours par session. Habituellement, il n'y a pas de règle établie, mais habituellement, c'est ça qu'on remarque. Ça. Ouais. OK. Okay, donc, on va en reparler mercredi matin pour au moins rappeler le rendez-vous de mercredi puis prochain. Sinon, surveillez votre portail et la page Facebook de l'AGE, donc AGEQTR sur Facebook, puis on va vous tenir au courant si jamais il y a une levée de cours. Parfait. Est-ce que c'est tout? C'est tout. Non. Non? Non. Okay. Hey, non, c'est pas tout. Une chance qui est là. C'est vraiment pas là. C'est ça, je l'ai en plus d'écrit sur ma petite feuille. Vous avez jusqu'à lundi matin, donc le 26 novembre, pour remplir un questionnaire donc que vous avez disponible sur le portail, qui est disponible sur la page Facebook aussi de la GE. C'est un questionnaire, en fait, qui vise, qui a comme objectif que la GEQTR se monte un argumentaire pour le sommet sur l'enseignement supérieur. Donc, il y a plusieurs questions. Il y en a 74 au total, je pense. Puis, ça prend une vingtaine de minutes à la remplir. Puis, en fait, c'est anonyme. Puis, si vous rentrez votre adresse courriel à la fin, qui va juste s'accumuler dans une banque d'adresses courriel, ce sera pas rattaché à vos réponses, vous courez la chance de remporter une bourse de 50$. Donc, pour 20 minutes, ça fait cher de l'heure. C'est bien payé. Ouais. C'est ça. Donc, remplissez ça. Ça va vraiment beaucoup nous aider, en fait. En fait, ça va aider à la GEQT à vraiment représenter les besoins de ses étudiants puis sa réalité, parce qu'on n'est pas comme toutes les universités non plus. Donc, c'est très important, ça prend 20 minutes. C'est aidez-vous à aider la GEQTR à vous aider. Bon. Hey, c'était bien dit. Hein? C'est en plein ça. Donc, remplissez ça, c'est vraiment pas long. Sur le portail de l'UQTR, uqtr.ca? Oui, sur le portail de l'UQTR. C'était comme juste à droite. Dans la section message à droite, là. Parce qu'il y en a qui savent pas c'est où, là, mais c'est à droite. La droite qui est par là-bas, là. Ouais. Pas l'autre droite, là. Cette droite-là. Merci, Jasmine Raymond-Dréville. Ça fait plaisir. Merci. À la semaine prochaine, c'est mercredi à 8h. Avant de continuer, tout à l'heure, on va avoir Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foule à l'autre sur le sommeil et pourquoi on dort aussi tard la fin de semaine, pourquoi on a une routine en vie, plein de questions qu'on se pose. Mais avant ça, on a un concours, François. Oh, ben oui, écoute, on le fait là. Écoute, apparemment. Apparemment. Ouais, OK, c'est là que ça se passe. Bon, parfait. Écoute, on a un livre, l'histoire du Québec pour les nuls. Hein? Avec par Éric Bédard qu'on a reçu à Assemblage Requis il y a quelques temps, quelques semaines de ça. Oui, c'est ça, exactement. Très bon bonhomme. Écoute, on a un disque aussi de Anna Georges. Anna Georges, la pièce robotique qui est dans le palmarès en ce moment, ça fait fureur. C'est super bon. Et Smoke and Jackal. Et ça, on s'en va l'entendre avec Fall Around dans quelques secondes. Et vous faites nous téléphoner. Quel numéro déjà? 819-376-5183. J'ai mal entendu, je pense. 819-376-5183. Je dois être sourd d'oreille. Je... Écoute, on va prendre le premier appel. Premier appel. Ouais, premier appel. Donc, appelez-nous là. 819-376-5183. Voici Smoke and Jackal et Fall Around. Oh, félicite Christiane qui a gagné le CD de Smoke and Jackal, celui de Hannah Georges et le livre L'Histoire du Québec pour les nuls. Félicitations. Félicitations. Au début de la chronique de la GEQTR, j'avais promis une chanson surprise à la fin de la chronique. Je l'ai pas fait, jouer. Non, c'est là que ça se passe. Pour les fervents amateurs, fans de l'émission Melon Miel et Chou de Bruxelles, notre reporter sur le terrain, Mathieu Plante, qui se donne à avoir le même nom que moi et qui est moi. Qui me ressemble avec les mêmes lunettes. A capturé en direct une performance de Melon Miel et Chou de Bruxelles, la chanson thème de l'émission que tout le monde a en tête tout le temps. Donc, si vous ne l'aviez pas aujourd'hui, ben là, vous allez l'avoir. Je suis arrivé juste au bon moment pour l'enregistrer devant le public. C'est bon. À part le buzz, c'est très bon. De plaisir, j'ai eu à entendre ça en direct devant moi. Ça, là, OK, juste pour te dire, juste pour vanter mon iPhone 5. Ah ouais, vas-y. J'étais à la porte du 10-12, OK? La scène était à l'autre bout de la salle, il y avait des paravents à chaque mètre, et c'est le son que ça a quand même pas si pire bien sonné, là. Ouais, tout on à s'entend. Fait. Les gars sont très, très drôles, très, très bons. Écoutez-les, Melon Miel et Chou de Bruxelles, tous les mardis entre 16h et 19h, ici même à C'est Fou, 89 FM, avec Alexandre Amézouiki, puis Jean-Philippe, les bois, beaux regards, forêt, les arbres, beaux regards. Forêt, des arbres, beaux regards. Des bois charbonneaux. C'est ça, des bois charbonneaux. Salut. Salut. Félicitations. Après la pause, la collègue de Maxime Bilodeau, restez là. C'est assez fou

D'ici là. D'ici là, ouais. C'est juste un jour. Je vais être primé, là. Quoi que ça va rien que faire une semaine. Donc, au moins, je vais être en deçà des 10 jours qu'il faut pour mourir. 3 jours avant de mourir. Je vais peut-être être dans une phase terminale la semaine prochaine. On te le souhaite pas. On t'a mieux vivant, en tout cas. Bon, ben merci. Merci, Maxime. Bonne journée. Allez, ça va être la fin de l'émission d'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Attends un peu, j'ai pas mis ma bonne affaire. Ah, j'ai mis ça live. Je suis trop dans le mood live. On va remercier tous les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Entre autres, Paul-Éric. C'est Éric Paul Enfant. Éric Paul Enfant. Éric Paul Parent. Éric Paul Parent. On va voir. C'est les paroles de la chanson qui me maintient. Regarde ça, comment c'est beau. Dis de même. Donc, on le remercie. On remercie aussi Anne-Julie Durocher, sa collègue L'Index, Jasmine Raymond-Dréville pour sa collègue de l'Ogé Nucléaire, Maxime Bilodeau. Toi, François-Olivier. Toi, Mathieu Plante. Merci. Demain à l'émission, on aura notre ami Maxime Bézuit qui va faire sa collègue ciné et télé. François Landry. Oui, François Landry. Qui aussi. Quoi déjà qu'il fait, lui? La politique. Ah. Et on reçoit la formation Bears of Legend. Bref. Les ours en studio. Ouais. Ça va être bon. Bon, faire une prestation, d'ailleurs. Hein. Okay. T'es mieux d'écouter, toi. Sans faux. Je t'en pointe du doigt. Ça m'a l'air de rendez-vous. Hein? Demain, 7h. On se quitte avec la chronique de Régis Solerie. Évidemment, sac cadeau. Qui nous suggère la bonne couleur de frou-frou pour aller avec la bonne couleur de sac pour vos cadeaux de Noël. OK. Non, on me dit que c'est Sadako, ça connaît. C'est la partie numéro 100. Fait que je fasse mon jeu de mots, hein. Non? Sac cadeau, Sadako. Ouais, ça. Ben, sac à papier. L'univers de Sadako par M. Régis Olerie.